Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le cours de l'histoire. Les lycéens observent étonnés Parcoursup, et oui, pour leur orientation, en se disant que diantre en ce moment, il est bien difficile d'être étudiant à l'université, d'être enseignant à l'université aussi, en raison de la crise sanitaire. Le cours de l'histoire va à l'université, pas n'importe laquelle, c'est l'expérience étonnante de Vincennes. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Qu'est-ce que le Centre universitaire expérimental de Vincennes ? Il a été construit en 1968 et détruit en 1980. Vie éphémère. Certains disaient qu'il était un ramassis de gauchistes et de clochards. Madame la secrétaire d'État aux universités dans les gouvernements Chirac puis Barre, sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, Alice Saunier-Saïté, disait qu'on y délivrait des diplômes à n'importe qui, même à un cheval. Pierre Merlin, urbaniste, démographe, statisticien, a été président de cette université, l'université de Vincennes. En 1980, il écrit « L'université assassinée ». 1980, la date de la destruction de ce centre universitaire expérimental. Alors, a-t-elle été assassinée? Et si oui, par qui et pourquoi? Charles Soulier, bonjour. Oui, bonjour. Cette université est étonnante par sa naissance elle-même. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres exemples d'universités qui naissent aussi rapidement. C'est l'histoire de quelques mois en 1968. Que s'est-il passé ? Effectivement, l'urgence était là, en fait. C'est-à-dire que mai 68 était arrivé, et donc il y a eu un bouleversement formidable de l'université française traditionnelle. Il y a eu une réaction du pouvoir gaulliste, et une réaction quand même très intelligente. Bon, c'est un discours qu'on entend peu, c'est peut-être pour ça aussi que je vais le développer. En effet, De Gaulle savait qu'il fallait réformer l'université française. C'était indispensable, puisque c'était la poudrière, enfin, voilà, c'est ce qui avait, donné lieu ensuite au développement d'un mouvement, d'une crise sociale et politique d'une ampleur extraordinaire. On peut penser aussi aux grandes grèves ouvrières de mai-juin, quelque chose d'absolument phénoménal. Donc il fallait réformer cette université, c'était impératif, et il fallait faire en urgence. Et il fallait préparer la rentrée de septembre 68, qui inquiétait beaucoup les politiques. Et De Gaulle a eu l'intelligence de nommer Edgar Faure comme ministre de l'Éducation nationale. Et cet homme a eu une politique véritablement, il a d'une part fait la loi d'orientation, dans le cadre duquel les universités françaises sont encore aujourd'hui, et d'autre part, il a eu l'audace, et c'est vraiment ce mot-là dont il faut parler, de créer des centres universitaires expérimentaux. Alors il en a créé trois. Aujourd'hui, on parle de celui de Vincennes, qui effectivement a, fait plus de bruit dans l'histoire, mais vous avez aussi l'université de Dauphine. La consœur de Vincennes, c'est Dauphine. Mais Dauphine, elle était plutôt consacrée au sens de gestion, donc elle s'est assagie beaucoup plus rapidement. Vincennes, ça a été un lieu où s'est rassemblée une bonne part, par exemple, de l'avant-garde intellectuelle de l'époque. Michel Foucault, Gilles Deleuze, etc. Et aussi une bonne part de l'avant-garde politique de l'époque. Et donc le chaudron vincennois, c'est quelque chose. C'est un mélange tout à fait étonnant et détonnant. Détonnant est le mot, Charles Soulier. Vous êtes maître de conférence en sociologie et responsable du département de sociologie et d'anthropologie à l'université Paris 8. Alors, Paris 8, anciennement Vincennes, aujourd'hui Saint-Denis. Et vous avez dirigé l'ouvrage « Un mythe à détruire, origine et destin du centre universitaire expérimental de Vincennes » publié aux presses universitaires de Vincennes. Bah oui, comme il se doit, c'est un pavé, mais c'est vrai, le mot va bien quand on évoque ce résultat de mai 68 avec un pavé. Très rapide cette construction. C'est quoi, du préfabriqué? Oui, ce sont des éléments oui, effectivement. C'est-à-dire, on a fait appel à une entreprise qui s'appelait JEP Industrie, qui travaillait beaucoup pour le ministère de l'Éducation nationale. Et En fait, une des urgences du ministère et une des explications, enfin, c'est ce qu'on voit dans les archives, hein, puisque je suis allé voir dans les archives. En fait, une des causes de mai 68 pour les gouvernants, c'était l'afflux des étudiants et le fait que, effectivement, la Sorbonne craquait dans ses murs. Le nombre d'étudiants avait doublé en moins de 10 ans et il fallait impérativement créer de nouveaux locaux. Et donc, on fabrique cette université à une rapidité absolument extraordinaire. En plus, on le fait sur un terrain qu'on vole à la mairie de Paris. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ensuite, on va détruire Paris. Parce que, effectivement, le maire de Paris, ensuite, Chirac, va vouloir récupérer ce site. Et donc, une construction d'une rapidité folle, en 2-3 mois, alors qu'il fallait des années avant pour créer une université, et des recrutements aussi extrêmement rapides d'enseignants-chercheurs. Avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire pour évoquer ce centre expérimental de Vincennes, Michel Deguy, vous êtes poète, écrivain, philosophe, professeur émérite de lettres à l'université Paris 8, anciennement Vincennes, aujourd'hui Saint-Denis, où vous avez enseigné de 1968 à 1999. Michel Deguy, je m'adresse à vous comme un témoin. Quel souvenir gardez-vous de la naissance de ce centre de Vincennes ? Un excellent souvenir. Alors attention, il faut savoir que Edgar Faure et son bras droit, dont j'ai oublié le nom à l'instant, ont créé ça pour répondre au Parti communiste. L'invention de Paris 8, c'est une chose magnifique, très simple. Ça veut dire que on pourra entrer maintenant à l'université sans avoir le baccalauréat. C'est un gain du Parti communiste. Et Edgar Faure a eu le génie de créer cela. À l'instant même, j'oublie, je crois que c'était monsieur son bras droit qui a fait tout ça. Mais c'est fondamental. C'est-à-dire que l'université de Paris 8 a été le lieu de l'affrontement du PC et des gauchistes dès le début. Hein. Il faut savoir ça. Mais c'est d'abord un gain fantastique parce qu'on peut entrer, non pas n'importe comment, il y avait une espèce de petit examen ou d'entretien. Pour la première fois, les étudiants entrent à l'université, deviennent étudiants sans avoir le baccalauréat. Et l'ensemble de l'histoire est une lutte qui a d'abord été une lutte du Parti communiste contre les gauchistes. Les premiers présidents étaient Triou et des gens comme ça. C'est le Parti communiste et la CGT, quand ça allait mal, venait faire un peu le ménage. Il faut ne pas oublier ces premières années, hein. Moi, j'ai passé 30 ans là-bas. C'est une expérience formidable. J'étais dans un département de littérature. Alors, je ne parle pas du recrutement puisque vous ne m'avez pas demandé. C'était pour les profs. C'était assez spécial parce que ça s'est fait par des amitiés. Il fallait faire des recrutements rapides. À l'époque, Hélène Cixous, Jacques Derrida, Genette et des gens comme ça s'occupaient aussi de faire venir des profs. Moi, j'étais un professeur de Cagne au lycée, et etc. Je ne vais pas vous raconter ça. Mais c'est, si vous voulez, c'est fondamental comme ambiance. Hein. Et il y a eu... Alors, les premières années étaient des échauffourées très compliquées, des destructions de matériel, et c'était cette ambiance-là. Alors, tout ça a changé complètement. Complètement. Alors, pour nous, de notre temps, je rappelle que ça s'appelait Université Paris 8, Vincennes à Saint-Denis. Parce qu'il y a eu l'affaire du bois de Vincennes, vous vous êtes trompé, je crois. C'est parce que c'était un terrain militaire. C'est pour ça qu'il est dans un arrondissement de Paris, le 12e. Le terrain militaire, c'est pour ça qu'il a pu être construit rapidement. Je passe sur ces épisodes-là. Mais si vous voulez, dans mon esprit, dans mon souvenir, le début de ces années-là, assez longues, étaient très agitées. Je pourrais vous raconter comment nous, les profs, on tenait aux élections. Le motif était l'élection piège à con. Nous devions tenir les urnes contre les étudiants gauchistes qui venaient tout casser. C'était cette ambiance-là. Voilà, j'attends vos questions. Une ambiance extraordinaire, c'est sûr, dans cette université de Vincennes, Michel Deguy. Oui, Charles Soulier. Oui, alors, il faudrait peut-être décrire peut-être un peu les premiers recrutements, je pense, de cette université, en fait. Quoi. Aussi bien du côté des enseignants que des étudiants. Parce que, bon, j'ai expliqué qu'une bonne partie de l'avant-garde intellectuelle, disons, de l'époque, et ce qui deviendra d'ailleurs ce que les Américains appelleront après la French Theory, va se réunir dans ce lieu, à Vincennes. Mais vous aurez aussi beaucoup d'enseignants, disons, plus classiques, qui, eux, voulaient, par exemple, rénover la pédagogie, rénover les programmes en profondeur, etc. Hein. Donc, et aussi des enseignants qui venaient faire carrière aussi, tout simplement. Bon, il ne faut pas oublier ce genre de choses. De même, du côté étudiant, au début, effectivement, il y a beaucoup d'étudiants, disons, gauchistes, très militants, qui viennent à Vincennes, sachant que c'était aussi un des calculs d'Edgar Faure. Hein. Il fallait créer un espèce d'abcès de fixation du gauchisme, et Vincennes s'était tout trouvé de mettre dans le bois, en dehors du quartier latin, non loin du zoo, d'ailleurs, vous voyez, de les concentrer et de faire en sorte que les communistes et les gauchistes se déchirent entre eux aussi. Il y a un calcul politique quand même derrière tout ça. L'université buissonnière, au sens où elle se trouve dans les buissons, elle apparaît en décembre 1968. À Vincennes, le 17 août dernier, il y avait ce terrain vague. Deux mois après, le 27 octobre, une faculté avait poussé, c'est la fac de lettres de Vincennes. Elle fonctionnera de 8h à 24h et pendant les vacances. On enseignera les langues par l'audiovisuel et Vincennes sera aussi le centre universitaire de télévision. Méthode nouvelle dont Jacques Durossel, délégué du doyen Las Vernias, nous parle. Alors les méthodes nouvelles sont qu'une très grande part sera faite aux cours sous forme de séminaires, de petits groupes, en utilisant au maximum des techniques modernes, pour les langues notamment, l'audiovisuel, il y a un circuit intérieur de télévision, mais dans l'ensemble, le système du séminaire, qui remplacera aussi largement que le corps professoral le permettra, les anciens cours magistraux. Il y a au fond assez peu d'amphithéâtres, comme vous avez pu voir à Vincennes, et il y en a un seul grand, de 500 places, ce qui est nous obliger nous-mêmes à renoncer à ces cours magistraux qui finissaient par être absurdes, tant le public était abondant. La faculté de Vincennes, telle que présentée au journal de 20h sur l'ORTF en décembre 1968, Virginie Linhart, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences politiques et vous avez réalisé un film documentaire Vincennes, l'université perdue. Nous évoquons ici la mise en place en 1968 de cette université. Elle est porteuse d'un espoir considérable. Vous avez été à la rencontre des témoins qui ont vécu cette aventure. Cet espoir est vraiment prégnant. Je pense que nous allons évoquer la déception à un moment dans cette émission, mais l'espoir est vraiment là. Oui, moi je dirais que Vincennes, c'est vraiment le lieu de tous les possibles qui résultent de mai 68 et de la révolte avant tout des jeunes étudiants et qui ont été rejoints par les ouvriers. C'est-à-dire que Vincennes, avant tout, c'est le lieu où, pour la première fois, on ouvre l'université aux non-diplômés, aux non-bacheliers. Et à l'époque, je veux dire, le bachot appartient à la bourgeoisie. C'est extrêmement ségrégué, les études supérieures. Et je pense que c'est ce qui m'a le plus enchantée dans ma découverte, enfin pas ma découverte, parce qu'en fait quand j'étais enfant, mon père Robert Linhart était enseignant en philosophie et donc m'y emmenait, mais ma redécouverte de Vincennes, c'est cette ouverture à tous. Alors c'est l'ouverture à tous, c'est-à-dire que un jour un jeune assistant d'un menuisier prend en stop une étudiante dans le bois, elle lui dit bah viens voir, c'est sympa Vincennes. Il pousse la porte, il tombe sur un prof d'histoire, il est fasciné et il va devenir, il va suivre tous les cours, il va devenir professeur émérite d'histoire. C'est ça Vincennes, c'est la possibilité de rêver et non seulement de rêver, mais d'obtenir une vie différente. Ce qui est essentiel, effectivement, obtenir une vie différente, parce que l'université, les études sont là pour ça, pour cette ascension Absolument. Intellectuelle, sociale. Charles Soulier, justement, en quoi Vincennes se dénote de l'université de ces années-là, cette université ébranlée par mai 68, mais qui demeure encore cette grande institution un peu figée? Oui, alors moi je voudrais réagir à l'extrait d'entretien avec Jean-Baptiste Durosel là, que vous avez trouvé. C'était un très beau document que je ne connaissais pas. Et il y a une dimension dont on n'a pas parlé jusqu'à présent qui est très importante, c'est la visée moderniste. Nous, par exemple, à cette époque-là, on croyait beaucoup, si vous voulez, à l'audiovisuel. Le fait que Vincennes soit câblé, qu'on puisse suivre le même cours dans l'ensemble des salles, le fait qu'on crée un département d'informatique, qu'on insère aussi un département de psychanalyse, que ensuite se développent des départements d'art, tout ça c'est aussi lié avec une volonté de modernisation qui était aussi portée par le pouvoir gaulliste. Il faut pas oublier cette chose-là. Alors, concernant Jean-Baptiste Durosel aussi, il faut dire aussi que c'était un historien de la diplomatie, il ne va pas faire long feu à Vincennes. C'est-à-dire que quand Edgar Faure crée cette université, il s'appuie sur un noyau d'anglicistes, alors il faut rappeler leurs noms, c'est Hélène Cixous, c'est Pierre Domergue, c'est Bernard Cassène, etc. Mais c'était des gens quand même qui étaient très à gauche. Et ils étaient très jeunes, quoi. Et ils créaient une université, ils avaient 30 ans, 35 ans, ces gens-là. Donc c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, comme un événement inouï par rapport... Parce que l'université, c'est plutôt, si vous voulez, c'est le pouvoir gérontocratique qui est à coup. Et donc, oui, voilà, Jean-Baptiste Durosel était un peu la caution de droite, entre guillemets, d'Edgar Faure. Mais celui-ci fera un cours au mois de janvier... et va tout de suite réintégrer la Sorbonne. Donc, il y a tout ce dont on parle là, l'espoir formidable, l'université populaire, la promotion sociale, etc. Mais il y a aussi dans Vincennes cette composante quand même, une composante de violence aussi politique, voire de terrorisme idéologique. Par exemple, à Vincennes, il y avait, je sais pas, par exemple, des brigades maoïstes qui se promenaient pour vérifier la rectitude idéologique des cours. Gilles Deleuze voyait débarquer Alain Badiou dans son cours et on l'interpellait sur la rectitude politique de ses travaux. Et donc, certains enseignants n'ont pas supporté. Jean-Baptiste Durosel fait un cours et réintègre la Sorbonne. Michel Foucault part très vite aussi. Voyez. Au Collège de France, oui. Absolument. Alors, c'est une sortie par le haut, bien évidemment. Mais il faut rappeler aussi ça, cette composante. C'est-à-dire, certes, il y a l'opposition communiste-gauchiste, mais il y a aussi toute une époque, une exigence politique et utopique extrêmement forte, qui par exemple va conduire à l'interruption des élections, par exemple. On va jeter les urnes des premières élections dans le bassin, quoi. Ce qui est quand même symboliquement très très fort, quoi. Ah ben, c'est un foyer, un bouillonnement dans ce centre expérimental universitaire de Vincennes, un foyer politique, un foyer de vie également. Virginie Linhart, dans votre film documentaire consacré à Vincennes, l'université perdue, vous interviewez les témoins. Il y a bien sûr le temps qui a passé, ils ont vieilli. Nous avons entendu tout à l'heure Michel Deguy, je le dis, Michel Deguy a 90 ans, c'est un témoin, mais vous mettez également des archives. Et nous sommes frappés par la jeunesse, en fait. C'est toujours troublant de voir que cette université a été fondée par une vraie jeunesse et une jeunesse en effervescence. Oui, absolument. C'est-à-dire que les vrais fondateurs, si vous voulez, bon, Charles Soulier a parlé du génie initiateur d'Edgar Faure, et je suis d'accord, mais les vrais initiateurs, c'est Hélène Cixous, Bernard Cassène et Pierre Domergue. Ils sont Hélène Cixous est liée à Raymond Lavergnas, qui est le doyen de la Sorbonne de Nanterre et qui est le bras droit, en quelque sorte, d'Edgar Faure, enfin qui a l'oreille d'Edgar Faure, et il raconte à Hélène Cixous que Edgar Faure l'a convoqué et lui a dit « Bon, il faut, j'ai obtenu un lieu dans un bois. » Effectivement, l'idée, c'est quand même de mettre les trublions du Quartier Latin à l'écart, parce qu'il est hors de question qu'on recasse la rue des Galissacs et tout le Quartier Latin. Et j'ai obtenu cet endroit, on va mettre des bâtiments préfabriqués, et là on va faire une université qui va tous les attirer. Et Hélène Cixous se saisit de cette opportunité et dit, on va construire l'université de nos rêves. Et l'université de leurs rêves, c'est une université qui abat le mandarinat. Il n'y a plus de cours magistraux. C'est une université qui s'inspire des campus américains. C'est-à-dire qu'ils inventent les UV, qui est un emprunt à l'université américaine. Donc les bâtiments sont nouveaux. Charles Soulier l'a dit, il y a des départements entiers qui sont créés. C'est la première fois qu'il y a un département de cinéma qui fera des choses extraordinaires et pour lequel, d'ailleurs, Jean-Luc Godard candidatera pour diriger ce département. Et puis, il paraît qu'on lui a téléphoné en lui disant « Mais vous êtes de la même famille que le cinéaste ?» Et il s'est dit que, bon, c'était quand même pas pour lui. voilà. Mais c'est ça, Vincennes. C'est aussi la suppression de beaucoup de choses héritées du mandarinat. Et l'idée qu'il faut réinventer, pas seulement la société, mais l'université, pour rentrer en quelque sorte dans une nouvelle ère. Enfin, sérieusement, je veux dire que si j'avais du courage, ben, j'irais dynamiter la Sorbonne. France Culture. Le Louvre, la Comédie Française. Oui. Le cours de l'histoire. La Révolution n'est pas un dîner de gala. Elle ne se fait pas comme une œuvre littéraire, un dessin ou une broderie. Elle ne peut s'accomplir avec autant d'élégance, de tranquillité et de délicatesse. Et avec autant de douceur, d'amabilité, de courtoisie, de retenue et de générosité d'âme. La révolution, c'est un soulèvement, un acte de violence, par lequel une classe en renverse une autre. Moi, je suis en classe de philo. Xavier Mauduit. Voilà, et ben on parlait de Jean-Luc Godard, voici la chinoise qui arrive et qui veut dynamiter la Sorbonne. Dites-nous, Charles Soulier. Alors effectivement, parmi les étudiants de Paris 8, certains, et même des enseignants, leur projet était de détruire l'université. Voilà, donc ça tombait bien, Godard avait compris ce qui se passait dans l'université. Une université, vous nous l'avez rappelé, qui avait mis l'accent sur ce qui était considéré comme étant le plus moderne du moment, et je pense à ce moment à l'équipement. Oui, très bien, mais mélangé à l'ambiance assez particulière de Vincennes, eh bien tout de suite, le moindre débat prend des proportions gigantesques. Quel rôle peut jouer dans l'action politique la section cinéma? Non pas la section cinéma, mais les moyens matériels dont dispose cette section cinéma. Bon. À qui appartiennent les moyens de cette section cinéma, sinon à ceux qui la composent? Les moyens matériels de cette section cinéma n'existent pas, premier point. Deuxième point, le matériel auquel vous venez de faire allusion appartient au centre universitaire de Vincennes. Non pas à qui appartient le matériel du centre universitaire de Vincennes, sinon à ceux qui le composent? On vous propose précisément de faire des commissions pour en disposer et juger de l'ensemble des éléments. Il faut des responsables techniciens. Bien. Deuxièmement, si vous désirez vous servir de ce matériel, demandez-le. Pour moi, il me semble évident, d'après ce que vous avez dit depuis le début de cet AG, que vous êtes contre le fait de se servir des moyens qui sont ici pour faire une information véritable et militante. Il s'agit de savoir si vous acceptez de poser ce problème de cette manière-là, en quoi on peut utiliser le cinéma pour une action politique, ou si vous voulez faire de l'étude du cinéma simplement une étude esthétique. C'est un tantinelle à chien, lui aurait dit le général de Gaulle. Et c'est surtout un extrait de votre film, Virginie Linhart, Vincennes, l'université perdue. Virginie Linhart, effectivement, dans les témoignages que vous avez pu recueillir sur ceux qui ont vécu cette expérience, il y a quelque chose qui évoque sans cesse ce qui est impalpable, ce qui échappe aux archives même, quand ce n'est pas filmé ou enregistré, c'est cette ambiance. Quelle était-elle ? Alors, on l'entend bien avec les archives, je veux dire, c'est l'ambiance de la première moitié des années 70, parce que ensuite les choses vont quand même largement se calmer, et finalement Vincennes malheureusement tombera pour une toute autre raison que la contestation gauchiste proprement dite, peut-être on en reparlera. C'est le début des années 70, donc évidemment c'est coton d'avoir un discours d'autorité, c'est coton d'organiser des choses. Il faut rappeler que Badiou placarde devant sa porte de cour aura son UV, toute personne estimant l'avoir mérité. Judith Miller, elle, explique qu'elle distribue ses UV à la sortie de la fac. Elle sera d'ailleurs virée par Olivier Guichard, le ministre de l'Éducation nationale, et rétrogradée au rang de professeur de lycée. Donc oui, bien sûr, c'est extrêmement agité et vivant, mais c'est... Je dirais que c'est quand même la partie émergée de l'iceberg. C'est-à-dire que parallèlement à ça, il y a tout un tas de gens qui arrivent à l'université et qui, grâce à cette université, qui rebat complètement les cartes et leur donne la chance de faire des études, vont suivre un cursus universitaire et vont pouvoir accéder au savoir et à des métiers qui nécessitent des diplômes. Donc, je voudrais aussi dire que, par exemple, cet AG Cinéma qu'on voit, c'est effectivement un gros bordel, mais il y a beaucoup de professeurs de cinéma et de réalisateurs qui sont issus de ce lieu et qui ont fait de très belles choses à son issue. Par exemple, Serge Le Perron. Ben oui, parce qu'il y a une vraie création et cette université qui est caractérisée par les uns comme étant un ramassis de clochards, une université sale, a produit du savoir authentiquement. Charles Soulier, cette ambiance un peu effervescente à Vincennes est le produit de gens énervés, mais ces gens énervés construisent un savoir. Alors oui, concernant ces gens énervés, je pense qu'il faut se replacer dans le contexte. C'est-à-dire, certains jeunes de l'époque, étudiants, croyaient à l'imminence de la révolution. Alors ça, c'est difficile à comprendre aujourd'hui. Mais certains avaient ça dans la tête. Ils avaient l'exemple de la révolution culturelle maoïste, chinoise, qui servait de modèle. Hein. Et donc, si vous voulez, il y a eu un conflit quand même assez fort entre, si vous voulez, ceux qui voulaient détruire l'université et ceux qui la voyaient comme un lieu de promotion sociale et de démocratisation. Hein, et ça, c'est important de le souligner, quoi. Et donc, et l'opposition gauchiste, communiste, dont parlait Michel Deguy, elle est derrière ça. Michel Deguy, justement, si nous revenons sur cette ambiance à Vincennes, vous y avez enseigné, vous connaissez très bien ce qui s'y passait et ces divisions politiques qui aujourd'hui sont parfois difficiles à comprendre. Maoïstes, trotskistes, les différents mouvements. Malgré tout, vous avez fait du bon boulot à Vincennes. Il y avait une vraie émulation dans la connaissance. Est-ce que je peux intervenir ? Allez-y, Michel Deguy. Bon, alors, vous oubliez quelques petites choses très importantes. Vincennes était loin. Ça veut dire quoi ? Loin du centre. Ça a été un problème de métro pendant des années, jusqu'à ce qu'il y ait une prolongation de métro jusqu'à l'université. Ça veut dire que, et c'est très important, beaucoup de grandes figures n'enseignaient pas à Vincennes. Hélène Cixous faisait son samedi dans l'école polytechnique, l'ancienne école polytechnique. C'est extrêmement important, parce qu'il fallait, si vous voulez, pour les gens du centre de Paris, des universités du central de Paris, il y avait un long problème de transport qui a été long à résoudre. D'autre part, je voudrais insister sur ceci, sur les premières années, contrairement à ce qu'on dit, c'était des cours magistraux. Les grandes figures, qui sont restées pas tellement longtemps d'ailleurs, par exemple Gilles Deleuze, faisaient des cours. Les étudiants étaient par terre, certainement, mais il ne faut pas s'imaginer que c'était une espèce de dialogue comme ça, opposé, question, réponse. Non, les grands philosophes qu'on venait écouter, sans parler de Lacan, qui a fait une ou deux séances extraordinaires à Paris 8, contestées d'ailleurs avec des... Hein, les étudiants écoutaient Foucault, Michel Serres, c'était ça qui était l'attirance à l'époque des milieux, hein. D'autre part, n'oubliez pas, et j'y insiste, un département comme celui de littérature française, c'est un département où tous les enseignants étaient communistes. J'étais le seul à ne pas l'être. Moi, je suis venu d'un milieu, si vous voulez, mindésien. Mon origine, c'était politique pour moi, ça a été le moment mindésien. Donc, à part quelques personnes qui étaient non communistes, l'ambiance était celle du Parti communiste, des intellectuels communistes, y compris méchonique, et de grandes figures. Voilà, je voulais ajouter ces détails qui sont très importants parce que, encore une fois, beaucoup de cours n'avaient pas lieu non plus dans les bois de Vincennes. Non voilà. Plus exactement avec ces grands noms que nous citons depuis tout à l'heure, que ce soit Lacan, Michel Foucault, Deleuze, tous ces philosophes, ces sociologues, Hélène Cixous aussi, qui est écrivaine, philosophe du langage. Et cette ambiance de Vincennes, surtout, va avec une forme de pédagogie particulière. On se disait, il n'y avait pas de cours magistraux. Ce sont des choses qui viennent souvent à l'esprit. Est-ce que c'est exact, Charles Soulier? Nous l'avons entendu avec Michel Deguy. Il y avait des cours magistraux. Oui, et là je remercie Michel Deguy d'avoir rappelé ça, parce que ça fait partie du mythe, en fait, le côté disparition des cours magistraux. Effectivement, Deleuze était très magistral, et d'ailleurs, assumé parfaitement, positivement, cette position magistrale. Et donc ça, c'est important de le souligner, parce que on simplifie. En fait, beaucoup de départements, plutôt disons livresques, étaient magistrales. Mais ceux, par exemple, en cinéma, en théâtre ou en sociologie, où il y avait une partie pratique, pouvaient développer d'autres types de techniques. Vous voyez, c'est important de décrire cette diversité, disciplinaire interne, qui est aussi une diversité politique. Par exemple, les historiens, c'était plutôt des gens proches du PC, et c'est plutôt des gens qui assureront, si vous voulez, la continuité de l'institution. Parce qu'il faut se rendre compte que c'était pas facile de gérer une institution qui se voulait anti-institutionnelle. Et c'est pour ça qu'elle est typique de mai 68 et de ses contradictions. On crée une institution, il y a beaucoup d'argent, Edgar Ford met beaucoup d'argent, il y a de la moquette, il y a des meubles Knoll, etc., etc. Les étudiants, au bout de 6 mois, ont dévasté tout ça. Mais en même temps, tout le monde n'est pas au même diapason politique. Les historiens, comme à Nanterre, comme à la Sorbonne d'ailleurs, vont assurer, si vous voulez, une bonne partie de ce boulot ingrat qui est celui de gérer une institution anti-institutionnelle. Et ça, c'est pas facile et je crois qu'on peut leur rendre hommage. Alors on peut rendre hommage de ce point de vue-là au président, à Claude Frioux, qui lui avait l'appareil du PC. Et c'était important d'avoir un appareil militant derrière soi, c'est-à-dire des gros bras. Pensez à une espèce d'état de nature politique. Et ça, c'est difficile à imaginer aujourd'hui. Ou, par exemple, Pierre Merlin, je vais terminer sur lui, on l'a qualifié de président insurrectionnel. C'est quelqu'un qui n'hésitait pas à faire le coup de poing. Et il y allait. Vous voyez ? Oui. Donc, il fallait être costaud. Quelque chose de très particulier de s'imaginer président d'une université et aller directement au combat. Cette étrange université de Vincennes qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture. Ça vous ferait plaisir d'assister à un cours à Vincennes dans les années 1970. Eh ben, nous y allons. C'est pas n'importe quel cours. C'est avec Michel Foucault. Alors, vous m'avez dit tout à l'heure, je crois que tout se passe comme si le pouvoir n'était rien d'autre que quelque chose qui produisait du réel pour que les intellectuels aient le plaisir d'en parler. Alors, je répondrai ceci, c'est que si vraiment le pouvoir ne créait d'autre réel que celui qui donne l'occasion aux intellectuels de parler, comme le pouvoir, c'est une chose agréable. Deuxièmement, vous m'avez demandé pourquoi je parle du pouvoir. Bien, quand si j'ai parlé de l'enfermement des fous, c'est parce que l'enfermement des fous existait, et que je souhaitais que l'enfermement des fous n'existe plus. Si j'ai parlé du système carcéral, c'est parce que le système carcéral existait, et que je souhaitais qu'il n'existe plus. Maintenant, si vous me demandez pourquoi je parle de ce dont je parle, je vous dirai que je parle de ce dont je parle parce que ça me fait plaisir, et qu'il n'y a aucune loi, aucun pouvoir, aucun flic, et pas même mes amis les juges, qui m'empêcheront de dire ce que j'ai envie de dire. Personne n'est forcé de me lire, ni de m'entendre. Voilà. Michel Foucault, c'est un extrait de votre documentaire Virginie Linhart, ce documentaire sur Vincennes. Il y a quelque chose d'évident ici, c'est d'entendre ces grandes voix et cette possibilité d'accès à ces voix par des gens qui normalement n'auraient pas pu écouter Michel Foucault parce qu'il n'avait pas le bac, parce qu'il travaillait dans la journée. Eh bien, il y a à Vincennes là une offre exceptionnelle et particulière, et c'est porté par les témoignages que vous avez recueillis, cette possibilité de s'élever par le savoir. Oui, absolument. J'en profite pour citer une autre très grande figure vincennoise, c'est François Châtelet, qui a pendant longtemps dirigé le département de philosophie. Et effectivement, Ce qui est étrange à Vincennes et ce qu'il faut comprendre, et Charles Soulier l'a dit, c'est que en fait les départements fonctionnent comme des petites universités autonomes. C'est-à-dire que finalement le département d'histoire fonctionne d'une manière assez traditionnelle. Bon, avec quand même cette possibilité pour les étudiants de s'inscrire sans baccalauréat, ce qui est à mon avis une avancée majeure à l'époque. Mais en revanche, le département de philosophie, qui regroupe à l'époque vraiment tous les plus grands penseurs, et c'est vrai que ce sont eux qui feront la French Theory, mais on a Balibar qui va partir, Étienne Balibar, on a Jacques Rancière qui a enseigné là-bas, évidemment Alain Badiou, donc Gilles Deleuze, Châtelet, tous ces grands professeurs enseignent à Vincennes, et ce qui est incroyable, c'est que comme le département a été à majorité maoïste, et que par la voix de Badiou et quelques autres, on a proclamé qu'on donnerait à tout le monde les UV, eh bien, ce département est interdit de décerner des diplômes. Et donc, on a cette particularité incroyable, c'est-à-dire presque sur 10 ans, on a les plus grands penseurs français, philosophes, qui donnent cours, mais qui ne décernent pas de diplôme, puisque l'administration, enfin l'éducation nationale, a décidé qu'elle n'autorisait pas le département de philo à décerner des diplômes. Vous voyez, c'est quand même extrêmement particulier. Ah, c'est paradoxal, c'est sûr, ouais, Charles Soulier. Bah oui, cette université de Vincennes, en fait, est une bulle très particulière, isolée des autres universités, ou alors a-t-elle une influence ? Oui, alors elle a une influence au sens, par exemple, comme l'a rappelé Virginie Lénard, l'invention des UV, qui d'ailleurs vient des États-Unis. Alors au passage, il faudrait peut-être rappeler que le modèle de Vincennes, c'est les États-Unis. Et d'ailleurs, c'est le modèle, si vous voulez, états-unien, encore aujourd'hui, hein, pour nos gouvernants. Alors oui, je voudrais revenir sur ce que disait Virginie. En fait, Vincennes, c'est l'avant-garde pour tous. Et là, si vous voulez, il y a une espèce de paradoxe, parce qu'effectivement, comment accéder à des pensées de haute volée quand on n'a pas le bac, par exemple? Ça pose, si vous voulez, la condition des médiations, des conditions sociales de possibilité, quoi. Et Vincennes, c'est aussi ça, c'est quand même le rêve que l'avant-garde intellectuelle d'une époque puisse s'allier avec l'avant-garde politique. Et ça, c'est un mélange sacrément détonnant, ça. Parce que les jeux d'instrumentalisation réciproque ont été quelque chose de terrible aussi. C'est-à-dire, l'avant-garde politique s'est nourrie de cette expérience, c'est évident. Elle était en phase, mais en même temps, elle était exposée à l'instrumentalisation par les groupements politiques. C'est ce qui s'est passé à Vincennes, justement, nous le sentons bien. Il y a une limite dans le fonctionnement tellement ouvert et démocratique de Vincennes, c'est cette prise de parole sans cesse et ces blocages, ces interventions en cours, vous nous l'avez rappelé, le professeur fait cours, un groupe arrive, interrompt cette constatation constante. Est-ce que les témoins que vous avez interviewés, Virginie Linhart, ont l'impression que Vincennes a été bloqué par son fonctionnement même ou parce que cette expérience universitaire n'était mal perçue de l'extérieur? Écoutez, non, franchement, j'ai pas l'impression que c'était lié par son fonctionnement même. Encore une fois, il faut, et moi je fais très attention à ça, il faut vraiment restituer le contexte. On est dans les années 70, on est au tout début des années 70. C'est un moment où il est interdit d'interdire. Il ne faut pas transiger sur son désir, etc. Donc il y a toutes ces choses-là. Et moi je dirais quand même, c'était très compliqué. On l'a dit, on l'a répété. C'était bordélique, c'était sale, c'est devenu très sale. Les étudiants ont dégradé de manière incroyable la faculté en un temps record. Et il y a dans mon film une perle qui est la visite de militants de la CGT qui viennent voir les locaux. Et ils sont stupéfaits, ils n'en reviennent pas. Ils sont complètement, et on voit à quel point là deux mondes s'affrontent, parce qu'effectivement il y a le Parti communiste qui a imaginé que il y avait une autre université possible, mais en tout bien tout honneur, je dirais, et puis les gauchistes. Et la réalité de l'université de Vincennes, cela jusqu'en 1980. Regardez bien, car ce sont les dernières images que vous verrez de l'université de Vincennes, images symboliques pour des murs chargés de symboles. Prise lundi, la décision de détruire les installations a été mise en application immédiatement. Dans la nuit de mardi à mercredi, les engins de démolition sont entrés en jeu. Dans très peu de jours, il ne restera rien et le terrain devrait vraisemblablement redevenir un espace boisé. C'est du moins la volonté de la ville de Paris, propriétaire des terrains. À la rentrée prochaine, les étudiants trouveront de nouveaux murs et un nouvel environnement dans les bâtiments situés à Saint-Denis. Le 28 août 1980, dans les actualités Île-de-France, il est question de la démolition de Vincennes. Michel Deguy, quel souvenir vous évoque l'annonce de la disparition de Vincennes ? Écoutez, d'abord, je voudrais faire quelques généralités quand même. C'est-à-dire que les grands paradigmes épistémologiques de cette époque-là ont disparu. Et il faudrait, si vous alliez à Paris aujourd'hui, il faudrait voir que ça n'a plus rien à voir avec l'esprit du temps. Hein, n'oubliez pas non plus qu'elle a failli s'appeler l'université François Châtelet. François Châtelet était un excellent philosophe, tout à fait traditionnel, qui enseignait Platon aux étudiants dans des livres très sympathiques. Et il y avait aussi des départements, les grandes nouveautés, la psychanalyse qui a fait son entrée, le cinéma et tout ça. Mais disons pour... Mon résumé, ce que je voulais dire, c'est que si vous allez aujourd'hui à Paris 8, ça n'a absolument plus rien à voir. C'est un changement total. Et ce qui reste de Paris 8, dont je ne pense pas d'ailleurs beaucoup de bien comme ça, pour en dire les choses très vite, c'est un changement. Il ne faut pas oublier ce grand changement qui est intervenu, je dirais, dizaines d'années. Voilà, ça c'est un truc important. Et ne pas oublier des figures comme celle de France Châtelet, etc. Merci. Merci vivement à vous, Michel Deguy, de cette évocation de l'apport de l'université de Vincennes, détruite en 1980. Juste, il faut rappeler, Charles Soulier, pourquoi détruite? Comment? Quelque chose d'assez sidérant. On a dit qu'elle a été construite très très rapidement, elle est détruite presque plus vite. Effectivement, on aurait pu la démonter parce qu'elle était démontable. Alors, je voudrais juste revenir, excusez-moi, sur ce qui a été dit avant et quand même souligner une chose. Vincennes a été un formidable succès social parce qu'elle était prévue pour 7000 étudiants. Elle termine à 32 000. Et ça explique aussi l'état de dégradation des locaux. Il ne faut pas l'oublier. C'est important de le dire, effectivement. Et ces locaux sont détruits en 1980 au bulldozer, à la pelleteuse. Donc, c'est un choix politique? C'est un symbole. Alors, bon, qui est à la manœuvre? C'est notamment Alice Saunier-Céité qui avait quand même, même, pour dire les choses un peu vulgairement, une haine recuite vis-à-vis de Vincennes. C'était ministre des universités. Absolument. Mais d'une manière générale, toute la période Saunier-Céité a été extrêmement difficile pour les universités françaises, en fait. Ça, c'est évident. Elle a essayé de revenir, en fait, sur les acquis de la loi d'orientation. C'est-à-dire que la droite, dans un moment de panique, a lâché cette loi d'orientation, et Edgar Faure a eu l'intelligence, enfin, c'est un type absolument exceptionnel, de réformer l'université française contre elle-même, d'une certaine manière. Mais, en fait, toute l'histoire après, c'est des tentatives pour revenir en arrière, de manière évidente. Et faire disparaître ce symbole était très important. C'était le symbole de la chienlit, en quelque sorte, quoi. On peut dire ça. Et c'est pour ça que ça s'est fait de manière, dans des camions qui étaient, il n'y avait pas les noms de l'entreprise, par exemple, et sous surveillance policière, etc. Donc, c'était une opération un peu honteuse, de manière évidente. Un règlement de compte. Un règlement de compte où cette université disparaît littéralement. Elle est transportée, elle va à Saint-Denis. Dans le site du cours de l'histoire, le groupe Facebook, les auditeurs réagissent et les réactions sont ainsi. Une période de 2 ans à Vincennes en histoire avec Ozouf, Brua, Vinoc, Julliard, etc. L'inoubliable relation entre étudiants qui marque sans doute que beaucoup aimeraient témoigner de part de la nostalgie, une espérance enfouie. Ce sont des mots qui reviennent sans cesse. Virginie Linhart, dans les témoignages que vous avez pu recueillir, il y a de ça aussi, une nostalgie mais qui est palpable. Oui, bien sûr. La nostalgie, c'est toujours un peu triste. Moi, je dirais qu'il y a plus qu'une nostalgie. Il y a un regret parce que c'est un formidable gâchis. C'est-à-dire que, effectivement, on détruit Vincennes. Mais il faut voir, on l'a détruit en combien de temps? On l'a détruit en 48 heures. C'est-à-dire que, l'été, c'est une opération cachée, c'est une opération commando. Et on rase tout. Et une chose à laquelle je suis très sensible, parce que moi, c'est vrai que c'est un truc qui me rend dingue quand on fait table rase et qu'on laisse le silence s'installer. On replante des arbres pour qu'on ne puisse plus identifier le lieu précis de la clairière. Donc des arbres sont plantés et dans mon film, j'emmène les protagonistes de Vincennes et ils savent plus où était le bassin, comment s'orientent les bâtiments, etc. Il y a pas de nom, il y a pas de plaque. On ne veut plus de Vincennes, on l'éradique complètement. Alors évidemment, ça va être transporté à Saint-Denis et je sais bien que l'université de Saint-Denis se dit héritière de Vincennes, mais ça c'est un tout autre débat. Je voudrais aussi terminer en disant que au moment où on éradique comme ça cette université, on est à quelques mois de l'élection présidentielle du François Mitterrand. Et je me suis toujours demandé ce que François Mitterrand, socialiste, aurait fait de Vincennes. C'est la question. Il aurait été bien embêté. Il aurait été bien embêté, effectivement. Et Virginie Linard, dans votre film Vincennes, l'université perdue, vous avez eu l'excellente idée d'amener les témoins au milieu de cette clairière qui fut une université. Charles Soulier, en quelques mots, que reste-t-il aujourd'hui? Non pas de Vincennes, tout a été détruit par les bâtiments, mais de l'esprit de Vincennes dans l'université Paris 8. De fait, je peux vous en parler puisque j'y enseigne actuellement. Déjà, il me semble qu'elle se distingue des autres universités par un caractère moins hiérarchique, à l'intérieur du corps enseignant, comme dans les rapports entre enseignants et étudiants. Et ça, c'est précieux. Elle s'y distingue aussi par l'absence de distinction entre les cours et les TD, qui est hiérarchique habituellement dans les universités françaises. Donc ça, c'est vraiment un acquis qui est resté. Elle s'est distinguée par une forme peut-être d'ingouvernabilité chronique. Parce que Vincennes, elle était la propriété des Vincennois et pas du ministère. Et donc, vous aviez aussi des personnels, par exemple les personnels dont on parle jamais, parce qu'il n'y a pas que des étudiants et des enseignants dans les universités, il y a aussi des personnels administratifs, techniques, des secrétaires, des gens qui s'occupent de l'intendance. Et ces gens-là, pour eux aussi, ça sera leur université. Et là, il y a quelque chose de très beau aussi, qu'il faudrait peut-être rappeler, en fait. Alors, autre chose aussi, quand même, par rapport à la destruction, à la nostalgie, certains étaient contents d'aller dans le bois pour aller dans le 93. Pourquoi? Parce que dans le 93, il y avait le peuple. Il y avait les immigrés, il y avait les enfants d'immigrés. Et Michel de Beauvais, dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, a été pas mécontent de rejoindre et de faire une université effectivement populaire. Et ça, c'est un défi pour aujourd'hui aussi, pour nous. Voilà, c'est l'expérience de Vincennes qui est intéressante. Nous en parlons aujourd'hui parce que toute expérience du passé, mais peut-être encore présente, est bonne pour l'université d'aujourd'hui. Merci beaucoup à vous trois, Michel Deguy, Virginie Linard et Charles Soulier. Je rappelle votre ouvrage « Un mythe à détruire ». Il y a un point d'interrogation, il est essentiel. Origine et destin du Centre universitaire expérimental de Vincennes. Merci beaucoup à vous trois et nous rejoignons Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui dans le journal de l'histoire, le débat sur la langue commune européenne. Oui, un débat qui fait son grand retour. Le français doit-il remplacer l'anglais comme langue de communication européenne après le Brexit? C'est en tout cas la ferme proposition de Camillo Langone, traduit dans Courrier international. Après l'euro-english, place au français d'Europe. Avec l'argument historique de l'antériorité, le français était la langue des élites et de la diplomatie du XVIIIe siècle, du XIXe siècle et du début du XXe siècle avant qu'il ne soit relégué au second plan par la victoire militaire anglo-américaine en 1945, fin de citation. Mais aussi avec l'argument du prestige. Notre langue nationale resterait celle des œuvres les plus talentueuses de notre époque. Un hommage peut-être excessif et une francophilie assumée. Le français a eu les faveurs des échanges européens, pourtant l'histoire linguistique de l'Europe avant l'Union européenne a suivi des chemins plus complexes que le choix d'une langue unique pour se comprendre. Jürgen Trabant, dans la somme collective Europa, notre histoire, rappelait récemment que la diversité linguistique s'accordait bien à la citation d'Umberto Eco, « La langue de l'Europe est la traduction ». Jürgen Trabant retrace la circulation linguistique de la culture commune européenne. Si les textes de ce socle commun, grec, hébraïque ou arabe, ont d'abord été traduits en latin, ils ont poursuivi leur chemin dans les langues nationales. Contre la tentation d'uniformisation, la richesse de la pluralité des langues est un des grands acquis de la modernité européenne. Tension vers la rencontre de l'autre, la maîtrise des langues étrangères ne se résume pas à un moyen de communication, mais englobe une manière de s'approprier le monde pour se comprendre au mieux, un précipité du Paris européen. Si l'antériorité est un argument dans le choix du français comme langue européenne, pourquoi ne pas reprendre la lingua franca, qui, comme son nom ne le dit pas, n'était pas une dégradation du français, mais une langue syncrétique rudimentaire, utilisée du Moyen-Âge au XIXe siècle, une longévité à faire pâlir l'hégémonie de l'anglais. Tant qu'à choisir un nouveau globish, la lingua franca empruntait à toutes les langues qu'elle côtoyait autour de la Méditerranée. L'italien, l'arabe, le grec, le turc... Une langue commerciale de première nécessité, considérée comme secondaire mais bien utile, qui n'a jamais fait l'objet d'une politique de supériorité culturelle ou de l'expression d'un prestige lié à sa pratique. Malgré le militantisme francophile, le Brexit n'aura sans doute aucun impact sur les langues officielles de l'Union européenne. Pour changer les règles, il faudrait un vote unanime du Conseil européen. Il y a d'autres urgences. Si l'anglais est devenu la matrice intellectuelle de la Commission européenne, selon le linguiste Bernard Cerchiglini, imposant ses valeurs et sa culture juridique, c'est une nouvelle relation à cette culture de l'institution européenne qui reste à inventer après ce départ britannique. Pourquoi ne pas garder l'anglais comme butin de cette rupture historique ? Eh bien oui, pourquoi pas ? On retrouve le journal de l'histoire sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Hellig avec aujourd'hui à la technique Jean-Guilain Meige. Une émission préparée par Marion Dupont, Anne-Toscane Viudès, Odile Jouessel, Valentine Lovrins et Maïwenn Guizhou. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter ou à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France. Et demain, nous allons commémorer, ou plutôt nous allons nous interroger, faut-il commémorer et que commémorer les commémorations nationales ?